à toute philosophie qui vient rassasier mon cœur de somnolence et de tiédeur. Et je me repens de mon hypocrisie, je me soumets maintenant à toi Jésus-Christ. En ton nom je reprends les armes du Saint-Esprit pour lutter avec ferveur jusqu'à la fin, mon Seigneur. J'ai pleinement ce dont j'ai besoin.